Hélène, réveille-toi, je dois m'en aller. L'autoroute m'emmène, je la laisse aller. Sale matinée qui sent la fumée froide. Déjà ton visage de ma mémoire s'évane. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Tu sais. Cette lia, on l'a cassée. On a joué, on s'est aimé. Et tout s'est effacé. Quatre portes qui claquent. Tour de clé contact. Et tout est à recommencer. Tout va recommencer. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Tu sais. Foutu désert, dans ce touffu désert, ce que j'aime sont ma terre. Amour, je te laisse. Amour, je te quitte. Amour, je te laisse. Ami, je te quitte. Et le courant m'emporte, et le courant me porte, et le courant m'emporte. Sur le bitume, long, long, long, long collier d'amertume. Ce collier, je te l'offrirai avec dedans ma vie incrustée. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. J'aime.